Chapitre 13e. Le jardin d'hiver. Rien, en effet, de plus féerique, de plus digne des mille et une nuits que le jardin dont Rodolphe avait parlé à Madame la Comtesse de X. Qu'on se figure, aboutissant à une longue et splendide galerie, un emplacement de 40 toises de longueur sur 30 de largeur, une cage vitrée, d'une extrême légèreté et façonnée en voûte, recouvre à une hauteur de 50 pieds environ ce parallélogramme. Ses murailles, recouvertes d'une infinité de glaces sur lesquelles se croisent les petites losanges vertes d'un treillage de joncs à mailles très serrées, ressemblent à un berceau à jour, grâce à la réflexion de la lumière sur les miroirs. Une palissade d'orangers aussi gros que ceux des Tuileries et de camélias de même force, les premiers chargés de fruits brillants comme autant de pommes d'or sur un feuillage d'un vert lustré, les seconds émaillés de fleurs pourpres, blanches et roses, tapissent toute l'étendue de ces murs. Ceci est la clôture de ce jardin. 5 ou 6 énormes massifs d'arbres et d'arbustes de l'Inde ou des tropiques, plantés dans de profonds encaissements de terre de bruyère, sont environnés d'allées marbrées d'une charmante mosaïque de coquillages, et assez larges pour que 2 ou 3 personnes puissent s'y promener de front. Il est impossible de peindre l'effet que produisait en plein hiver, et pour ainsi dire au milieu d'un bal, cette riche et brillante végétation exotique. Ici, des bananiers énormes atteignent presque les vitres de la voûte et mêlent leurs larges palmes d'un vert lustré aux feuilles lancéolées des grands magnoliers, dont quelques-uns sont déjà couverts de grosses fleurs aussi odorantes que magnifiques. De leurs calices en forme de cloche, pourpre dehors, argenté en dedans, s'élancent des étamines d'or. Plus loin, des palmiers, des dattiers du Levant, des lataniers rouges, des figuiers de l'Inde, tous robustes, vivaces, feuillus, complètent ces immenses massifs de verdure. Verdure crue, lustrée, brillante comme celle de tous les végétaux des tropiques, qui semble emprunter l'éclat de l'émeraude, tant les feuilles de ces arbres, épaisses, charnues, vernissées, sont revêtues de teintes étincelantes et métalliques. Le long des treillages, entre les orangers, parmi les massifs, enlacés d'un arbre à l'autre, ici en guirlande de feuilles et de fleurs, là contournés en spirale, plus loin mêlés en réseaux inextricables, courent, serpentent, grimpent jusqu'au faîte de la voûte vitrée une innombrable quantité de plantes sarmenteuses. Les grenadilles ailées, les passiflores aux larges fleurs de pourpre striées d'azur et couronnées d'une aigrette d'un violet noir, retombent du faîte de la voûte comme de colossales guirlandes, et semblent vouloir y remonter en jetant leurs vrilles délicates aux flèches des gigantesques aloès. Ailleurs, un bignonia de l'Inde, au long calice d'un jaune soufre, au feuillage léger, est entouré d'un stéphanotis aux fleurs charnues et blanches qui répandent une senteur suave. Ces 2 lianes, ainsi enlacées, festonnent de leurs franges vertes à clochettes d'or et d'argent les feuilles immenses et veloutées d'un figuier de l'Inde. Plus loin enfin, jaillissent et retombent en cascade végétale et diaprée une innombrable quantité de tiges d'asclépiades, dont les feuilles et les ombrelles de 15 ou 20 fleurs étoilées sont si épaisses, si polies, qu'on dirait des bouquets d'émail rose entourés de petites feuilles de porcelaine verte. Les bordures des massifs se composent de bruyères du Cap, de tulipes de tôle, de narcisses de Constantinople, d'hyacinthes de Perse, de cyclamen, d'iris, qui forment une sorte de tapis naturel où toutes les couleurs, toutes les nuances se confondent de la manière la plus splendide. Des lanternes chinoises d'une soie transparente, les unes d'un bleu, les autres d'un rose très pâle, çà et là, à demi cachées par le feuillage, éclairent ce jardin. Il est impossible de rendre l'allure mystérieuse et douce qui résultait du mélange de ces 2 nuances, lueur charmante, fantastique, qui tenait de la limpidité bleuâtre d'une belle nuit d'été légèrement rosée par les reflets vermeils d'une aurore boréale. On arrivait à cette immense serre chaude, surbaissée de 2 ou 3 pieds, par une longue galerie éblouissante d'or, de glace, de rideaux, de lumière. Cette flamboyante clarté encadrait, pour ainsi dire, la pénombre où se dessinaient vaguement les grands arbres du jardin d'hiver, que l'on apercevait à travers une large baie à demi fermée par 2 hautes portières de velours cramoisi. On eût dit une gigantesque fenêtre ouverte sur quelque beau paysage d'Asie pendant la sérénité d'une nuit crépusculaire. vue du fond du jardin, où étaient disposés d'immenses divans sous un dôme de feuillage et de fleurs. La galerie offrait un contraste inverse avec la douce obscurité de la serre. C'était au loin une espèce de brume lumineuse, dorée, sur laquelle étincelaient, miroitaient, comme une broderie vivante, les couleurs éclatantes et variées des robes de femmes et les scintillations prismatiques des pierreries et des diamants. Les sons de l'orchestre, affaiblis par la distance et par le sourd et joyeux bourdonnement de la galerie, venaient mélodieusement mourir dans le feuillage immobile des grands arbres exotiques. Involontairement, on parlait à voix basse dans ce jardin. On y entendait à peine le bruit léger des pas et le frôlement des robes de satin. Cet air à la fois léger, tiède et embaumé de mille suaves senteurs des plantes aromatiques, cette musique vague, lointaine, jetait tous les sens dans une douce et molle quiétude. Certes, deux amants nouvellement épris et heureux, assis sur la soie dans quelque coin ombreux de cet Éden, enivrés d'amour, d'harmonie et de parfum, ne pouvaient trouver un cadre plus enchanteur pour leur passion ardente et encore à son aurore, car hélas, un ou deux mois de bonheur paisible et assuré changent si maussadement deux amants en froids époux. En arrivant dans ce ravissant jardin d'hiver, Rodolphe ne put retenir une exclamation de surprise et dit à l'ambassadrice « En vérité, madame, je n'aurais pas cru une telle merveille possible. Ce n'est plus seulement un grand luxe joint à un goût exquis, c'est de la poésie en action. Au lieu d'écrire comme un poète, de peindre comme un grand peintre, vous créez ce qu'ils oseraient à peine rêver. Votre Altesse est mille fois trop bonne. Franchement, avouez que celui qui saurait rendre fidèlement ce tableau enchanteur avec son charme de couleur et de contraste, là-bas ce tumulte éblouissant, ici cette délicieuse retraite, avouez, madame, que celui-là, peintre ou poète, ferait une œuvre admirable, et cela seulement en reproduisant la vôtre. Les louanges que l'indulgence de votre Altesse lui inspire sont d'autant plus dangereuses qu'on ne peut s'empêcher d'être charmé de leur esprit et qu'on les écoute malgré soi avec un plaisir extrême. Mais regardez donc, monseigneur, quelle charmante jeune femme. Votre Altesse m'accordera du moins que la marquise d'Harville doit être jolie partout. N'est-elle pas ravissante de grâce? Ne gagne-t-elle pas encore au contraste de la sévère beauté qui l'accompagne? La comtesse Sarah MacGregor et la marquise d'Harville descendaient en ce moment les quelques marches qui de la galerie conduisaient au jardin d'hiver.